On peut avoir peut-être un petit aperçu du jeu du son mystère qui va avoir lieu à 11h10 avec un son mystérieux qui a été proposé par qui aujourd'hui? Par Melia Roger. Ah oui, exactement, oui. Par Malia Roger. Donc à 11h10, si vous avez une idée de ce son mystère, vous pouvez appeler le 078 244 57 54. 078 244 57 54. Je le répète parce qu'on m'a demandé de le répéter. Exactement. Moi je l'ai dit lentement parce qu'ils m'ont demandé de le dire plus lentement. Moi, je peux le dire plus vite. 078 244 57 50. Exactement. Donc, si vous avez une idée, appelez à ce numéro 11h10 pour pouvoir. Ah oui, Rudy peut dire au Lambert, au Clara, qui vous êtes derrière le panneau. Ah, alors, à l'envers, c'est 4, 5, 7, 5, 4, 4, 2, 8, 7, 0, mais ça va vraiment vous embrouiller. Exactement. Bon, à part si vous avez un fonctionnement à l'envers. En tout cas, ce son, si vous le devinez, vous allez gagner l'entrée pour les concerts du festival, ainsi que le plat du jour. Hein, Le plat du soir. ou le plat du soir, en soi, un plat à manger au festival, dans la super cantine du Festival Archipel. Peut-être on peut avoir cette écoute de la proposition de Méliard Roger. Et c'est parti. Ok. En tout cas, c'est très très beau déjà. Rien que d'écouter là ces quelques secondes, l'espace sonore est vraiment magnifique. Oui, bah, ouais. Ça sent le field recording, hein, mais on va pas spoiler la fin de l'histoire. Sous la timeline de la matinée, à ce moment, je crois que c'est notre moment culturel avec. Exactement, avec Vincent de Roguin et Doris. Et le montage a été réalisé par Rudy Dosselière cette fois-ci. C'est pareil, moi je me suis mis en grève hier et j'ai dit j'arrête de faire le montage de cette capsule. Mais voilà, donc je ne sais pas de quoi ça parle aujourd'hui. Surprise. Bonjour Vincent. Bonjour Doris. Alors, malgré le fait que le jingle de la chronique, Vincent de Roguin, les livres qu'il aime bien, on parle beaucoup de CD cette semaine. Et donc aujourd'hui, on a encore un 45 tours. Et c'est Symphonie Les Échanges de Rolf Liebermann. À Archipel, on a eu une symphonie, non, il y a quelques jours. Est-ce que c'est la même chose? Alors, c'est pas tout à fait la même chose, parce que dans le cas d'une symphonie comme on a entendu Archipel, la pièce est jouée avec des instruments de type classique, c'est-à-dire des violons, des violoncelles, des instruments de percussion. Alors que dans ce cas-là, la symphonie est interprétée par des machines, notamment des machines de bureau, en l'occurrence 156 machines de bureau et d'informatique assez primitive. Alors, il y a un extrait du livret du 45 tours qui explique ça. Alors, je vais le lire. On dosa savamment le bruitage des différentes machines de bureau pour élaborer une partition musicale exécutable par les machines mêmes, commandée à distance par un dispositif électronique. Voilà, ça c'était l'extrait. Est-ce que tu peux aussi mettre un peu un contexte? Oui, c'est une pièce qui date donc de 1964, lorsqu'il y a eu l'exposition nationale suisse en 1964, qui a eu lieu à Lausanne. Et à cette occasion, le compositeur zurichois Rolf Liebermann a composé cette symphonie qui s'appelle Les Échanges, parce qu'elle avait lieu dans le secteur de l'exposition nationale, le secteur dédié aux échanges. Et les échanges, dans ce cas-là, c'est tout ce qui est tout ce qui était la communication, l'avènement des machines qui servaient à fluidifier l'information en général et la transmission d'informations. Et Rolf Liebermann, avec l'aide d'un électricien, arrive à piloter un ensemble de machines pour en faire une composition musicale qui était jouée plusieurs fois par jour, enfin en continu tout au long de la journée, et que les visiteuses et les visiteurs pouvaient découvrir et entendre. Et c'est une composition vraiment particulière, moi je trouve, qui est vraiment intéressante et qui est peu connue en fait dans l'histoire de la musique expérimentale et de la musique un peu particulière tout au long du XXe siècle. C'est une pièce que des centaines de milliers de personnes, voire des millions, ont entendue, et pourtant elle est peu citée, elle est peu connue, alors que Rolf Liebermann, lui, a une petite notoriété. Mais en tout cas, la pièce en elle-même, elle mérite vraiment qu'on s'y penche. Alors, l'extrait que j'ai écouté de la Symphonie des Échanges, c'était quelque chose de très rythmé. Est-ce que on a créé ces sons d'après ordinateur ? Non, c'était pas selon un système d'ordinateur, c'était un système de circuits électroniques à l'époque qui enclenchait des machines, qui enclenchait le fonctionnement des machines. Et Rolf Liebermann utilise toutes les machines pour créer un immense orchestre de différents sons. Donc c'est une pièce qui est principalement rythmique. Et il y a quand même des sons un peu de cloche, et donc il y a quelques hauteurs de timbre, si on veut. Mais c'est une pièce extrêmement, extrêmement rythmée, effectivement, avec quelque chose d'assez abstrait aussi, très machinique, qui rappelle des esthétiques aussi liées plutôt au début de la musique moderne. Et ce que je trouve beau aussi dans cette pièce, c'est que il reprend en fait des rythmes qu'on entendrait peut-être dans des choses d'Amérique latine, par exemple, des rythmes vraiment assez dansants. Et pour moi, j'entends vraiment les prémices de beaucoup de choses de la musique électronique plutôt dansante des années 80 ou 90. Il y a quelque chose vraiment, c'est étonnant, je trouve, que quand on pense que ça a été fait en 1964. Je trouve quelque chose qui prédate dans l'esthétique de composition, quelque chose qui prédate énormément la musique électronique dansante. On peut encore appeler ça une symphonie parce qu'on ne retrouve pas les cuivres, ni les instruments à cordes. Oui, non, c'est vrai que le terme symphonie, dans ce sens-là, il a plutôt une valeur symbolique plutôt que littérale. Et par contre, Rolf Liebermann est un compositeur qui vient vraiment du monde de la musique classique. Il a énormément composé pour le théâtre et pour différents chorégraphes. Il a beaucoup composé d'opéra. C'était un compositeur qui a fait une grande partie de sa carrière en France, malgré le fait qu'il vienne du jazz. Et il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, c'est aussi que je trouve cette composition, elle a beaucoup plus à voir avec la musique populaire au sens général qu'avec la musique classique savante.